Chapitre 3e. Gisèle s'éveilla de bonne heure après une nuit agitée, et ses sourcils demeurèrent froncés dans une méditation tout le temps de sa toilette minutieuse et raffinée. Pourtant, quand elle alla s'asseoir devant la petite table à thé chargée d'objets coquets qu'elle prenait plaisir à manier et qui faisait de l'action vulgaire de manger une joie délicate, presque esthétique, son parti était pris. Elle était redevenue elle-même et vaillante, elle était résolue à faire face à l'ennemi, ou plutôt à le terrasser du premier coup. Eh bien oui, elle avait été imprudente de laisser Robert d'Auger s'insinuer dans sa vie, devenir l'intime de son ménage, le familier de son cœur. Et assurément, ses paroles avaient trouvé un écho en elle-même. Mais d'un trouble passager à un amour véritable, il y a loin, sans doute. Hier, c'était cette musique ensourceleuse qui l'avait grisée, affolée, qui lui avait fait croire ce qui n'était pas, ce qui ne pouvait pas être. Une femme honnête ne se livre pas, après quelques semaines, à un inconnu. On n'appelle pas aimer le sentiment de sympathie qui peut les unir. Mais de quelque nom qu'il s'appela, ce sentiment devait être réprimé, puisque hier, il l'avait laissée émue et sans défense, quand elle aurait dû demeurer ironique ou se faire sévère. C'était une faute, et elle s'en châtierait impitoyablement. Tout à l'heure, quand viendrait M. d'Augier, elle lui parlerait clair, dur, s'il le fallait. Foncièrement droite et fière, Gisèle avait horreur des situations fausses. Elle ne permettrait pas à M. d'Augier de lui faire la cour sous le voile de l'amitié. Le dégoût de sa poignée de main hier à M. Bertoli la souleva. S'il ne faisait pas amende honorable, il trouverait un prétexte pour se faire plus rare, pour disparaître au besoin. Il se consolerait. Les hommes se consolent si vite. Et d'ailleurs, n'était-il pas entendu qu'il devait se marier? Et elle, eh bien, elle aurait un chagrin réel. Ce serait la punition méritée de son étourderie. Car assurément, on ne remplace pas en un jour un ami tel que Robert, tel que M. d'Augier. Mais elle saurait se contraindre. Après tout, il ne lui en manquait pas des amis. On ne voyait que ça, matin et soir. D'autres la dédommageraient aisément. Et d'ailleurs, tout près d'elle, n'avait-elle pas son mari, le brave Jean, un bon garçon, en somme. Précisément, un coup léger résonnait à la porte qui s'ouvrait sans qu'on attendît la réponse, et M. Bertoli apparaissait en personne. C'était la providence qui l'envoyait. Gisèle allait s'ouvrir à lui en toute franchise. Il lui donnerait un bon conseil. Mais la figure rouge et préoccupée du gros homme arrêta ses confidences. Il se tortillait avec embarras dans sa jaquette trop collante et dans le pantalon trop bien plié qui dessinait ses jambes lourdes. Et son regard errait à l'aventure dans la pièce, tandis qu'il retournait un coupe-papier dans ses doigts. Enfin, après quelques paroles banales, il s'expliqua. Il était désolé, mais une affaire inattendue l'obligeait de s'absenter pour 2 jours. Une affaire très importante. Ici, il bredouilla, qu'il ne pouvait se remettre. Il espérait que Gisèle ne lui en voudrait pas de s'en aller le jour du dîner Rocheton. Bien entendu, elle s'y rendrait sans lui. Il sembla à la jeune femme que l'appui dont elle avait besoin se dérobait, cédait sous elle. Elle murmura. « Et si je vous demandais de rester pour me tenir compagnie ? Je me sens un peu souffrante, un peu triste. J'aurais besoin de vous. » Monsieur Jean Bertoli devint plus rouge. Il prit dans sa poche un mouchoir rose, s'essuya la moustache et d'un geste machinal étira ses bras pour faire remonter ses manchettes. Puis il regarda ses bottines d'un air préoccupé. Hélas, il était désolé, tout à fait désolé, mais son absence était indispensable. Des réparations urgentes à faire dans la propriété. Impossible de rien décider sans lui. Il s'embrouillait. Gisèle n'insista pas. Elle sentit sûrement qu'il mentait. Cela lui répugnait de le mettre en faute plus clairement. Qu'il ne pataugea pas davantage, elle saurait se protéger toute seule. Il se retira en l'embrassant sur le front. Il rapporterait du gibier. Et pendant son absence, Robert et les autres viendraient la distraire. Elle sourit avec un peu d'amertume. Le gros homme ne vit rien. Puis, demeurée seule, elle poussa un grand soupir. Ah, comme tout était sot, difficile et ennuyeux, comme la vie était misérable et mal arrangée. Fallait-il que celui-là seul, dont l'âme avait été amicale à la sienne, Elle dut maintenant le rebuter, l'éloigner, peut-être. Était-ce tout à fait nécessaire? Perdue dans ses songeries, elle ramassait machinalement sur le tapis un petit carré de papier bleuté à demi déchiré, tombé sans doute tout à l'heure de la poche de son mari. Quelque invitation oubliée. Elle tirait une carte de l'enveloppe trop parfumée et la parcourait. Les premières lignes suffirent à l'édifier sur le genre d'affaires urgentes qui appelait Jean Bertoli. Au bout du billet trivial et dénué d'orthographe, flamboyait un nom tapageur trop connu. Du bout des doigts, Gisèle jeta dans la cheminée le papier immonde qui s'enflamma. Elle n'avait pas de colère ni de surprise. Au fond, il y avait longtemps qu'elle soupçonnait ce qui en était, et puis que lui importait. Et par une association d'idées involontaires, elle pensa que le monde l'excuserait si, ainsi traitée, elle ne repoussait pas Robert. Mais elle secoua la tête, avec une moue de mépris. Qu'avait-elle à faire du monde et de ses jugements? À cette découverte lamentable, qui eût légitimé la vengeance aux yeux d'une autre, elle ressentait seulement plus amère, presque physique, son dégoût de feindre et de mentir. Elle fut révoltée à l'idée qu'un morceau de papier pareil aurait peut-être un jour révélé leur intrigue à Robert et à elle, si jamais elle avait eu l'idée de lui céder. Ah non, l'amour honteux, l'amour prudent et lâche n'était pas de l'amour. Et elle se sentit plus forte, dans la volonté de dire non et de parler ferme. Mais tout était triste, oh, si triste. La sonnerie du timbre d'entrée annonça un visiteur. Gisèle regarda vivement la pendule, 11h05. Le domestique entrait, présentait une carte sur un plateau. C'était bien lui. Sûre d'elle-même, elle se leva et se hâta vers le petit salon tendu de bleu, plein de bibelots, où tout parlait d'elle. Monsieur Auger ne l'avait pas entendu venir. Quand elle souleva la portière qui séparait la pièce du vestibule, il se promenait de long en large, les traits assombris, les mains croisées derrière le dos. Il l'aperçut. Son visage se transfigura. Il poussa une sorte de plainte inarticulée en entendant les bras vers elle. Et elle souffrit de ce qu'elle allait le faire souffrir. D'un geste, elle lui indiquait un siège assez loin d'elle. « Monsieur Daugier ?» Mais sans l'écouter, violent, il se jetait à ses pieds, joignait les mains et murmurait d'un ton passionné. « Oh, ne me parlez pas, pas tout de suite. Attendez, laissez-moi vous regarder. » Elle voulut le gronder en souriant, lui dire que son attitude était absurde, être à la fois sévère et amicale. Mais elle ne trouvait pas ses mots. Sa langue était collée à son palais, et quand elle ouvrit la bouche, ce fut pour éclater en gros sanglots désolés d'enfants abandonnés.